J'ai pas écrit guitare. J'ai écrit guitare, hein, ouais. Hey, djembé. Oudou. Non, pas ça. mais c'est quoi? C'est quoi comme morceau? Quelques doutes qui s'installent. Thank you.